طيب donc on commence inshallah bismillah inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد donc on arrive maintenant à un autre passage dans notre aqida de l'imam Abu Uthman As-Sabuni. Et là, le cheikh, il commence à expliquer un autre point. Il dit « Qawluhum fi sifat », c'est-à-dire la parole des salaf dans As-Sifat, c'est-à-dire dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « Wa kadhalika yaquluna fi jami'i sifat allati nazala bi dhikriha al-Qur'an wa waradat biha al-akhbar as-sihah min as-sam'i wal-basari wal-ayni wal-wajhi wal-ilm » والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لللفظ أو لللفظ الخبر عما تعرفه العرب وطلعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc le cheikh il dit que la même façon à propos de ce qu'on a expliqué auparavant à propos du manhaj des salaf au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on dit la même chose à propos de qu'est-ce qu'on a dit à propos de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit la même chose de toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, telles qu'elles ont été mentionnées dans le livre, c'est-à-dire le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler. Et telles que ces attributs-là ont été mentionnés dans les akhbar authentiques, dans les textes et les hadiths authentiques. Comme par exemple, l'ouïe, la vue, l'œil, le visage, la connaissance, la force, hein, la force, la qudra, c'est-à-dire la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'irada, la volonté, et le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dire, la parole, la satisfaction, la colère, la vie. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont mentionnées. Al-Yaqaba, il mentionne ici Al-Yaqaba, le réveil, Al-Farh, Al-Dahik, Wa-Ghayriha, la réjouissance et le rire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces attributs-là, on doit les accepter et on doit les affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est-à-dire, tout ce qui a été mentionné dans le Coran comme attribut, ou dans les hadiths authentiques, comme étant affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala, on l'affirme. Peu importe qu'est-ce que certains parmi les gens de déviation essaient de nier de ces attributs-là ou de déformer leur sens, nous on les affirme et on les accepte. Et on dit qu'il n'y a pas de tashbih, il n'y a pas de ressemblance dans aucune des attributs qu'Allah possède, avec les attributs que les créatures possèdent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Donc, en partant, on sait qu'il n'y a pas de ressemblance. Les gens de Bid'a, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Souvent, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le tashbih dans leur tête. Dans le sens qu'ils ont imaginé, quand ils ont entendu, par exemple, parler de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le rire d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur tête, ils ont essayé d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Et ils ont imaginé quelque chose qui ressemble à ce que possèdent les créatures. Donc, pour essayer de s'enfuir de cette ressemblance, ils ont nié l'attribut par la suite. Et c'est de là qu'ils sont tombés dans un problème encore plus grave, c'est-à-dire ta'til, hein, la négation, et at-tahrif, la déformation des sens. Donc, c'est pour ça que le cheikh, il dit, il n'y a pas de ressemblance, donc il n'y a pas besoin de faire de tahrif. Ceux qui disent qu'ils ont besoin de faire le tahrif, c'est parce qu'ils croient qu'il y a une ressemblance. S'ils ne croyaient pas qu'il y avait une ressemblance, pourquoi ils feraient le tahrif, hein? Donc le cheikh il dit ensuite qu'on interdit, hein, c'est-à-dire pas on interdit, mais on s'arrête au texte de ce que Allah a dit et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans ajouter quoi que ce soit, sans mettre ou relier à ça quoi que ce soit, sans faire de takyif, sans demander comment, d'essayer de comprendre le comment, sans faire de ressemblance, sans changer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sans remplacer l'attribut ou le terme par une autre, que, yani, ou bien de l'interpréter par une façon, ou comme qu'est-ce que les gens de Bid'a font, le tahrif, qu'ils appellent parfois ta'wil. Hein? On ne fait pas le ta'wil à propos des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout ça, c'est-à-dire, tel que les Arabes connaissaient ces mots-là dans la langue arabe, les attributs qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des mots que les Arabes connaissaient à leur époque, ils utilisaient ces mots-là, ils sont très connus, tout le monde connaît la signification de ces termes-là, d'accord? Donc ils ont accepté ces termes et ces mots-là, et ils ont cru en ces termes, d'accord? Et le cheikh il dit ولا إزالة للفظ الخبر أما تعرفه العرب وطبعه عليه بتأويل المنكر. C'est ça que les gens de Bid'a ont fait. Ils ont fait qu'est-ce qu'ils appellent le ta'wil. Ta'wil, il a deux sens. Un sens qui est vrai, qui est correct, et un autre sens qui est faux, qui est incorrect. Le sens qui est correct dans le mot ta'wil, dans sa signification, c'est le tafsir. Hein? Ta'wil, ça veut dire le tafsir, c'est-à-dire l'interprétation ou l'explication. Quand vous regardez, par exemple, les livres des ulama de tafsir, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, par exemple, le tafsir de l'imam al-Tabari, par exemple, qui est un des plus anciens parmi les livres de tafsir, eh bien, il mentionne, il dit, wa qala ahlu ta'wil, ou qala ahlu ta'wil, par exemple, et les gens du ta'wil ont dit, et bien, quand il dit ça, il parle du tafsir, c'est-à-dire c'est le tafsir, l'explication et l'interprétation du Coran. Ça, c'est la signification correcte du mot ta'wil. Toutefois, il y a une autre signification que les gens de Bid'a utilisent pour essayer de tromper les gens, hein. Étant donné que c'est un mot qui a accepté le mot ta'wil dans les livres de tafsir, on le retrouve, et dans la langue arabe, on le retrouve. Donc, étant donné qu'il a accepté, ils utilisent ce mot-là pour essayer de faire accepter ce qu'ils font de déformation des sens. En réalité, c'est pas le ta'wil. Qu'est-ce qu'ils font? C'est le tahrif. Ils déforment. Ils changent le sens. Ils déforment le sens. Alors qu'en réalité, comme je dis, ils prétendent qu'ils font le ta'wil. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme on dit, c'est pas du tout le ta'wil, mais c'est le tahrif. Donc ça, c'est bien important de comprendre cette différence-là. Ok? Et si quelqu'un fait le ta'wil, par exemple, d'un verset, il doit se référer à une preuve authentique du Coran et de la Sunna. Comme quand tu regardes, par exemple, dans les livres de tafsir, quand les imams expliquent un verset, ils n'expliquent pas un verset comme ça en changeant le sens du verset et le faisant sortir de son contexte. Ils ramènent, pour supporter leur explication ou leur interprétation, des preuves, soit du Coran, ou soit de la sunna authentique pour justifier leur interprétation. Tandis que le tahrif que les gens de Bid'a font, eh ben, c'est uniquement basé sur leurs opinions personnelles et sur leurs idées et leurs philosophies, et non pas basé sur les textes et les preuves du Coran et de la sunna. Ou bien parfois ils vont mentionner des hadiths qui sont pas authentiques, ou bien des paroles de certains parmi les sahaba qui sont pas authentiques également, pour essayer de supporter certaines de leurs déformations, de certains des sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils n'ont aucun intérêt pour l'authenticité. Ils ne font que mentionner n'importe quoi juste pour supporter leur position. Ok, ensuite, il y avait un frère qui me parlait tout à l'heure, qui m'a mentionné un point, à propos de quand on parle de Ashab al-Hadith, des Salaf, on a expliqué que les Salaf c'était les Sahaba, hein, et ceux qui les ont suivis dans leurs croyances et dans leurs actions, dans leurs pratiques, etc. Hein, et puis là, il y a le frère qui me mentionnait, oui, mais il y a des ulama al-Hadith, ou des ulama al-Hadith qui ont eu certaines croyances qui sont en contradiction avec la aqidah des salaf, d'accord, et ça c'est des ulama qui sont venus bien longtemps après les ulama qui ont vécu dans les trois premiers siècles, d'accord. Donc quand tu vois par exemple des ulama comme l'imam Ibn Hajar al-Asqalani par exemple, qui a écrit le charh de l'imam le charh de Sahih al-Bukhari, ou bien l'imam al-Nawawi, hein, rahimahumallah. Donc ça c'est deux parmi les grands ulama de la Oumma, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ils ont dans leurs livres des fawa'id et beaucoup de ilm et beaucoup de bénéfices, de choses qu'on peut bénéficier, hein, de leur connaissance, et de leur connaissance de l'arabe, de leur connaissance du fiqh, de leur connaissance du tafsir, de leur connaissance du hadith, de leur connaissance dans toutes les sciences islamiques, d'accord. Toutefois, ce sont des ulama comme tout autre ulama qui font des erreurs. Des fois ils ont raison, des fois ils se trompent. Et dans certaines de leurs explications, de leur interprétation des noms et des attributs d'Allah, ils ont fait des erreurs. Hein? Et on espère que ces erreurs-là seront pardonnées de leur part, seront pardonnées d'eux, parce que c'est des imams qui ont fait preuve de sincérité et qui ont fait des ijtihad pour atteindre la vérité et qui ont fait des erreurs. Et alhamdulillah, il y a des ulama qui ont réfuté ces erreurs-là, qui ont écrit des livres pour clarifier les contradictions que ces imams-là ont fait dans leurs livres. Hein. Donc, c'est juste pour montrer que c'est vrai, on accepte tout le bien qu'est-ce qu'ils ont dit qui est en accord avec l'aqida des salafs, mais quand ils ont fait quelque chose qui est en opposition avec l'aqida des salafs, ou qui ont cru quelque chose contraire à l'aqida des salafs, on le rejette. Et alhamdulillah, yani, on voit même dans leurs écrits que c'est pas toutes les erreurs des Asha'ira et de leur madhab qu'ils ont supportées et défendues. Il y en a certaines de leurs croyances, certaines de leurs idées qu'ils ont réfutées. Ça prouve qu'ils ont fait des ijtihadats, qu'ils ont fait des efforts pour trouver le haqq, mais ils n'ont pas réussi à atteindre toute la vérité entière. D'accord? Toutefois, ce sont des imams parmi les imams d'Ahl al-Sunnah, hein. Et dans ce sens-là, ceux qui pensent que par exemple tous ceux qui ont enseigné le hadith ou expliqué les hadiths, on les considère comme étant des imams d'Ahl Sunnah, non, c'est pas vrai. C'est pas tous les imams qui étaient des imams dans le hadith ou qui ont été des ulama du hadith, ou bien des muhaddithin, qui sont des imams dans l'aqidah. C'est pour ça que souvent les imams dans le passé, quand ils parlaient des ulama, les salafs ils disaient à propos d'un imam ou d'un alim, celui-là était un imam dans le hadith et il était un imam dans la sunna. C'est pour faire comprendre que quand il se référait à la sunna, c'est pour dire à l'aqidah. Et quand il parlait du hadith, il parlait de la science du hadith, ilm al-hadith. Okay? Donc c'est pour ça que parfois tu vas trouver certains imams dans le hadith qui faisaient partie de mutakallimin. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire la distinction parfois. C'est pas parce qu'il est un savant de hadith qu'il est en 100% avec l'aqidah des salaf. Peut-être qu'il a fait des erreurs aussi. Mais ceux qui ont fait des erreurs, comme on dit, ce qu'il a dit qui est en accord avec l'aqidah des salaf, on le prend, mais ce qui est en opposition, on le rejette. D'accord? Et puis, à la base, tu ne retrouves pas parmi les imams le sunna des trois premiers siècles, les gens qui ont supporté des bédas. Donc tu ne retrouves pas parmi les imams les trois premiers siècles qui ont supporté les bid'ah et qui ont déformé l'essence des attributs d'Allah, ça tu trouves ça parmi les muta'akhirin, parmi ceux qui sont venus bien longtemps après, comme l'imam Nawawi, l'imam Ibn Hajar et d'autres. D'accord? Donc, alhamdoulilah à ce sujet-là. Comme on dit, on ne déforme pas le sens des attributs d'Allah, on ne fait pas le tahrif. Tel que les Arabes utilisaient les termes, on les utilise dans ce sens-là, tel qu'ils l'ont utilisé eux, à leur époque. Pas aujourd'hui, l'arabe d'aujourd'hui, c'est un arabe qui est différent de l'arabe du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, on utilise les mots arabes dans un autre sens, ça n'a pas rapport. Et des fois, tu regardes même dans certains dictionnaires arabes, qui ont été écrits bien longtemps après l'époque des salafs, eh ben, certains de ces auteurs, ceux qui ont écrit les dictionnaires, ils ont été influencés par certaines des bid'ah, des mu'tazila et des sha'ira et d'autres. Donc quand ils ont interprété ou donné des définitions de certains termes, de certains mots, ils ont donné une définition qui est en accord avec leur aqida ou leur madhab. C'est pour ça qu'il faut vérifier, il faut bien faire attention de retourner aux livres, aux dictionnaires de langue arabe qui ont été écrits par les salafs, à l'époque des salafs, ou qui se réfèrent à la langue des arabes telle qu'elle était parlée à l'époque des arabes. C'est-à-dire, et non pas la langue quand elle a changé par la suite, après la venue de la philosophie grecque, quand elle a été traduite en arabe et que ça a déformé le sens des mots dans la langue arabe. Donc, en ce qui concerne, donc, tout ça, ça a rapport avec les attributs, on les affirme tels quels. Et on les accepte dans leur sens apparent. « Yajrounahu ala al-zahir » Ça, c'est la aqida des salafs. Et en ce qui concerne la connaissance du comment des attributs d'Allah, ça on le remet à Allah. Et on s'en remet à Allah là-dessus. On dit c'est seulement Allah qui le connaît. Personne en dehors d'Allah. Et donc ils s'en remettent à Allah, mais ils affirment l'attribut elle-même et ils connaissent la signification des attributs. Mais en ce qui concerne le comment, ils la remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne le comment, personne ne le connaît, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il mentionne dans Surat Ali Imran, le verset 7, il dit que les gens de science, qui sont fermement ancrés dans la science, ils disent, nous y croyons, nous y croyons. Tout ça vient de notre Seigneur. C'est-à-dire, ils l'affirment, et ils y croient tel quel. « وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ » D'accord. Donc, ça c'est en ce qui concerne cette position-là. Il y a des gens de bid'ah aujourd'hui qui font le tafwir. Ils disent « on ne connaît pas la signification de ces noms-là ». Et ça c'est une erreur. On connaît la signification des attributs. Ce qu'on ne connaît pas, ce n'est pas la signification des attributs. Qu'on ne connaît pas, c'est la description ou le kayf, le comment des attributs d'Allah. Donc les salafs, des fois vous allez voir qu'ils disent « Ah, les salafs faisaient le tafwir ». Ça c'est la parole de certains parmi les gens de bid'ah. Ils disent « Ah, les salafs, leur aqidah ou leur manhaj au sujet des attributs d'Allah, c'est qu'ils faisaient le tafwir ». Qu'est-ce que ça veut dire le tafwir? Tu remets la connaissance de ces choses-là à Allah. Donc ils disent « Eux, ils faisaient le tafwir ». Dans le sens que il remettait la connaissance de la signification des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne cherchait pas à connaître la signification des attributs. Et ça c'est incorrect, parce que il connaissait la signification des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il remettait à Allah subhanahu wa ta'ala la connaissance du comment. Donc tafwir, c'est ça que les ulama disent, tafwir al-ma'na muharram, wa tafwir al-kayfiyya wajib. De remettre la connaissance de la signification à Allah et de dire que c'est seulement Allah qui connaît la signification, ça c'est haram de dire ça. Mais de dire que seulement Allah connaît le comment, ça c'est obligatoire. C'est ça la différence. Ok? Donc le cheikh ensuite il dit وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنورة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق الأئمة أو أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأخبارها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاقتصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الاكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد والصحاح الكبار والصحاح الكبار. Donc le cheikh il dit que les versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les textes des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques, qui illuminent, qui sont illuminantes, elles parlent de ces attributs-là et d'autres parmi ces attributs-là, et il serait long de les mentionner parmi, c'est-à-dire de mentionner tous ces textes-là et de les compter, et de mentionner également toutes les paroles ou l'accord, ou le consensus des imams et des ulama au sujet de l'authenticité de ces hadiths-là et de ces textes-là. Hein, ce serait long de tout mentionner ça, mais il dit qu'il les a mentionnés dans un autre livre, hein, qui s'appelle Al-Intisar. Ça, c'était un livre qu'il a écrit sur l'Aqidah, qui s'appelle Al-Intisar, qui était vraiment plus volumineux, où il a détaillé et mentionné plusieurs des textes au sujet de chacun des points qu'il a élaboré dans ce livre. Toutefois, ce livre-là, comme le Cheikh Ali Hassan l'a expliqué, qu'on ne l'a pas trouvé, ce livre-là, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas trouvé, c'est-à-dire dans les bibliothèques, le manuscrit, on ne l'a pas encore trouvé, peut-être qu'il existe quelque part, mais jusqu'à maintenant, il est perdu. Donc c'est ça. Donc c'est un des livres que l'imam avait écrit à ce sujet-là, qui est plus gros que celui-là. Quand j'ai mentionné tout à l'heure à propos de l'ijtihad des savants, il n'y a pas d'ijtihad dans l'aqidah, c'est-à-dire le tawhid ou l'aqidah, il n'y a pas d'ijtihad là-dedans. C'est-à-dire on ne peut pas découvrir ou connaître l'aqidah ou faire des ijtihadats dans les questions de l'aqidah. Mais quand on dit l'ijtihad, c'est pas dans ce sens-là. Quand on dit que les imams ils ont fait un ijtihad, c'est-à-dire ils ont fait un effort pour essayer de connaître la vérité, mais ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa al-nisyan wa mastukrihu alayh » Donc ça veut dire que si l'imam il a fait une erreur, il a essayé de trouver la vérité mais il n'a pas été capable de l'atteindre parce qu'il a fait une erreur, il a fait l'effort mais il n'a pas réussi. Donc dans ce cas-là, il est pardonné, il est excusé par Allah subhanahu wa ta'ala pour cette erreur-là, dans ce sujet-là, parce qu'il avait atteint le niveau d'ijtihad, il a atteint le niveau des ulama qui ont, acquis les connaissances et les sciences nécessaires pour être capable de comprendre l'islam à partir de ses textes et à partir des références, et donc il a fait une erreur à ce sujet-là. Toutefois, s'il y a une personne qui n'a pas atteint ce niveau, et puis qui commence à patauger dans les textes et à essayer d'interpréter les choses à tort et à travers, et qui n'a pas de connaissances, ne peut pas être comparé à ces imams-là. Hein, il y a des gens de nos jours qui font des erreurs dans l'Aqida, ils ne sont même pas parmi les ulama. Et ils parlent de certains sujets, ils déforment le sens des choses, et puis ils font des erreurs, et puis il y a des gens qui essaient de les défendre, et ils font des analogies entre les imams de l'islam et ces personnes-là qui sont parmi les ignorants. Et donc, il n'y a aucun lien, il n'y a aucune comparaison à faire entre ces différences de personnes-là. Et comme on dit, l'ijtihad, ce n'est pas une question de aqidah, mais c'est au niveau de cet imam-là qui a fait une erreur, wallahu a'lam. On est arrivé maintenant à un autre point que le Cheikh Abu Othman al-Sabouni, il va mentionner, c'est « Al-Qur'an kalamullah ghayru makhlouq ». C'est-à-dire que le Qur'an, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle n'est pas créée. قال الشيخ أبو عثمان ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل عز من قائل إنه وإنه لتنزيل رب لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Donc le Cheikh Abu Othman il dit au sujet du Coran, il dit que le Coran il dit que les gens de Ashab al-Hadith ils croient, les gens du Hadith ils croient que le Coran c'est la parole d'Allah, que c'est son livre, que c'est son discours, que c'est sa révélation qu'il a fait descendre et qu'elle n'est pas créée, n'est pas créée. Et celui qui dit que c'est créé et qui le croit, il est kafir selon les gens du Hadith, selon Ashab al-Hadith. Et le Cheikh dit que le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est sa révélation, c'est celui qui l'a fait descendre par Jibril. C'est-à-dire Jibril, il descendait avec ce Coran pour réciter au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour le révéler au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un Coran arabe, un Coran arabe pour un peuple qui sait, et c'est un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Shu'ara, le verset 492 à 195, et ce Coran, c'est une révélation qui a été descendue par le Seigneur des mondes. C'est le Ar-Ruh al-Amin, Jibril, qui est descendu avec, sur ton cœur, c'est-à-dire sur le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit parmi les avertisseurs dans une langue arabe claire. Bilisan al-Arabi al-Mubin. Okay? Donc ça c'est l'explication au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit, وَهُوَ الَّذِي بَلَّغَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُمَّتَهُ كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فكان الذي بلغه تعالى بلغه تعالى كلامه. إن ذي وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ حيث تتلى في أي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله وهو القرآن بعينه الذي نقول به أو نقول أنه غير مخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. Donc le Cheikh dit que ce Coran c'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis à sa umma par la suite comme il a été commandé de le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 67 dans Surat al-Ma'idah, ô toi messager, ô toi le messager, transmets ce qui a été descendu sur toi de la part de ton Seigneur. Donc, ce qu'il a transmis, c'est la parole de son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith, qui est rapporté selon Jabir, et qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans Khalq Af'al al-Ibad, et selon par At-Tirmidhi aussi, et Ibn Majah, avec une isnad sahih. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce hadith, أَتَمْنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي. Est-ce que vous m'empêchez de transmettre la parole de mon Seigneur? En fait, le hadith, textuellement, il dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. Donc il disait que Quraysh l'a empêché de transmettre la parole de son Seigneur. Donc ça explique que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il explique par la suite, il dit que ce que les cœurs mémorisent, et ce que les langues récitent, et ce qu'on écrit dans le masahif, dans les livres, dans les Corans, et ce que la personne récite quand elle, lit le Coran, et les mots qu'elle prononce, et les choses qu'elle a mémorisées quand elle a mémorisé le Coran, ça, tout ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, même quand il est, par exemple, récité, ou quand il est écrit dans les, livres, dans les masahif, ou quand les enfants l'écrivent sur leur tableau, hein, et des fois ils ont comme, les petits enfants quand ils mémorisent le Coran, ils l'écrivent sur un lawh, hein, ils ont une table, un tableau, et puis ils écrivent dessus les versets de Coran qu'ils doivent mémoriser, hein, et puis ils mémorisent ça, après quand ils ont terminé, ils l'effacent et ils écrivent d'autres versets qu'ils mémorisent par la suite comme ça. Donc dans certains pays c'est comme ça qu'ils mémorisent les enfants, ils mémorisent de cette façon le Coran. Donc même ça, ce que les enfants mémorisent ou écrivent sur les tableaux, eh ben ça aussi c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et c'est le Coran, et c'est le Coran au sujet duquel on dit qu'il n'est pas créé. Celui qui croit qu'il est créé, alors il est kafir, d'accord. Et à ce sujet là il y a les Jahmiyyah, hein, qui ont nié la parole, qui ont nié l'attribut de la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Mu'tazila également, ils ont dit que le Coran est le makhlouq. Et c'est à ce sujet-là qu'il y a eu la fitna avec l'imam Ahmad. La mihna, mihnatul Qur'an, la mihnatul khalqul Qur'an. Donc l'imam Ahmad a été éprouvé à cause de ça. On l'a emprisonné, on l'a torturé à l'époque de Al-Ma'moun, Khalifatul Ma'moun, qui avait fait ouvrir un centre, ou bien un institut, ça c'est moderne, mais c'est-à-dire il a fait ouvrir un centre ou un endroit pour traduire les textes grecs, hein, et pour l'étude de la philosophie, grecque, là, la philosophie de l'Inde, et des anciennes civilisations, donc, soi-disant. Alors il a fait ouvrir ça pour, soi-disant, étudier ces idéologies-là, et il s'est fait entourer par la suite de philosophes et des Mu'tazila et d'autres sectes, des Jahmiya aussi, et ils ont séduit ce Khalifa jusqu'à ce qu'il accepte leur idée à propos de la parole d'Allah qu'elle est créée, hein. Et ils ont demandé par la suite au Khalifa d'imposer à tous les ulama et à tous les imams de dire que le Coran est créé. Et là ils ont commencé les inquisitions et les tortures et à faire battre et à faire torturer les ulama pour les forcer, hein, à adopter cette aqidah et à approuver cette aqidah. Et parmi les ulama qui ont résisté à cette fitna, il y a eu l'imam Ahmad qui a pris une position de force et qui a résisté. Après Al-Ma'moun est mort, il y a eu son fils qui était Al-Mu'tasim qui a pris la relève de cette bid'a et qui a continué à imposer ça, et l'imam Ahmed a résisté encore une fois, et Al-Mu'tasim est mort. Mais son fils, ou bien l'autre qui l'a suivi par la suite, qui était Al-Wathiq, lui aussi il a continué, la même bid'a que les autres, à imposer cette bid'a, et l'imam Ahmed a continué encore à résister, hein. Et il y avait parmi, à chaque époque, il y avait de ces époques-là, il y avait des Mubtadi'a qui incitaient le Khalifa contre l'imam Ahmad. Hein. Il y avait Ibn Abi Douad, et il y avait aussi Bishr al-Murrisi, et il y avait beaucoup d'autres encore qui étaient parmi les têtes de ces gens de Bid'a qui incitaient le Khalifa contre l'imam Ahmad. Finalement, Al-Wathiq Billah est mort lui aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que celui qui le succède soit parmi les khulafa qui reviennent à la sunna et qui acceptent la sunna, c'était Al-Mutawakkil Billah, hein. Et donc lui, il a fait soulever l'inquisition qui avait été établie, il a fait libérer l'imam Ahmad, il a remis à son statut et à sa position, hein, comme il était auparavant, et il a ramené, disons, la force et la puissance et la gloire de la sunna comme elle était auparavant, alhamdulillah. Et donc, c'est pour dire qu'il y a eu cette grande épreuve à ce sujet-là. Et avec les Jahmiya et les Mu'tazila, et par la suite, il y a, il y a les gens qui ont, les Asha'ira, qui ont dévié à ce sujet-là aussi. Asha'ira, ils ont utilisé encore, comme j'avais dit plus tôt, dans l'autre cours qu'on a fait au début, j'ai dit qu'ils ont essayé de prendre le chemin intermédiaire entre la voie des gens de Bid'a et la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, même au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont ramené quelque chose de nouveau. Encore une nouvelle bid'a. Ils ont dit, on va accepter un aspect de la aqidah des Mu'tazila, mais en même temps, on va accepter un aspect de la aqidah des Salaf. On va dire que le Coran, il n'est pas créé, mais en même temps, on va dire qu'il est créé. C'est contradictoire. Parce qu'ils ont divisé le Coran en deux. Alaykoum salam, ils ont divisé le Coran en deux parties. Ils ont dit, il y a une partie qui est le Coran qu'on récite et qu'on lit et qui est écrit dans le Mushaf, on dit celui-là il est créé. Mais le Coran qui n'est pas créé, c'est la signification qui est à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pas créé. La signification et elle, comme ils disent, al-ma'na al-qa'im bin-nafs. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que ça c'est pas créé, c'est éternel. Et il n'a pas de lettre, il n'a pas de son. Hein, il n'a pas de lettre, il n'a pas de voix, il ne se récite pas avec une voix, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils ont amené une nouvelle bid'a, hein, et qu'ils ont dit en même temps que le Coran était créé. Mais ça, ils le disent juste entre eux. Hein, même dans les livres des Asha'ira aujourd'hui, comme par exemple si vous allez lire l'explication de Jawharat al-Tawhid, qui est un des livres écrits par Al-Bayjuri, c'est un poème. Et bien dans c'est ça, c'est l'aqidah qu'ils enseignent maintenant, Al-Azhar, par exemple, c'est l'aqidah. Et bien quand vous voyez le charh, par exemple, par un qui s'appelle Al-Laqani, quand il explique, ils disent, si vous enseignez, vous pouvez pas dire, dites pas aux gens que le Coran est créé. Dites-le seulement si vous êtes en train de l'enseigner, dans l'enseignement, avec vos élèves, vous leur dites, le Coran est créé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on récite. Dans le Coran, ça s'est créé. Mais quand vous êtes devant les gens, dites pas que le Coran est créé. Donc c'est comme s'ils utilisent cette méthode-là, ils cachent leur réel aqida en fait devant les gens. Non. Donc ça c'est pour comprendre que la aqida, même si les gens, par exemple les Asha'ira, ils disent parmi les sept attributs qu'ils affirment, il y a al-kalam. Mais il n'affirme pas Al-Kalam comme Ahl Sunnah wal Jama'a affirme Al-Kalam, d'accord? Donc ils affirment pas Al-Kalam comme il faut, puisqu'ils disent que Al-Kalam c'est la signification qui est à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle n'a pas de voix ni de lettres, etc. Ils disent que le Coran il est composé de lettres et on le récite avec la voix. Et il y a une distinction par contre, il faut comprendre que l'encre et le papier, ça c'est créé, ça. Ça c'est une création. Et nous, on parle pas de l'encre et le papier, on parle de qu'est-ce qu'on récite. Hein? Si moi je te dicte une lettre, hein? Je te dis écris qu'est-ce que je te dis. Là, tu vas commencer à écrire. Et là, tu me le relis. Je vais dire c'est la parole de qui que tu relis? Tu relis ma parole. Hein? Tu relis ma parole parce que c'est ma parole qui a été dictée. Et toi, tu la relis. Ça ne devient pas ta parole parce que tu la lis. C'est encore ma parole. Tu comprends? Et donc, le Coran, c'est la même chose. Ce qui est écrit et ce que tu relis, c'est la parole de celui qui l'a dit en premier. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, le Coran, c'est la parole d'Allah. Qu'est-ce qui est écrit dans le Mushaf? C'est la parole d'Allah. Qu'est-ce que tu as mémorisé dans ton cœur? Des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la parole d'Allah aussi. Hein? Mais ta voix, c'est ta voix à toi. Mais les paroles que tu récites, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, alhamdulillah, à ce sujet-là, ça c'est clair. Et donc, le cheikh, il dit, c'est ça ce qu'il dit. Tout ce qui est écrit dans les masahif, les masahif et que les enfants écrivent, ça fait partie. C'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Et tout ça, c'est la parole d'Allah et il n'y a rien de créé là-dedans. Hein? Celui qui dit que c'est créé, il est kafir. Regardez qu'est-ce qu'ils disent les imams. Les imams de Ahl-Sunnah, ils disent tout ça. Que celui qui dit que, ou qui pense, ou qui croit que le Coran, qu'on lit dans le Mus'haf, il est créé, il est kafir, billah. Ok? Et là, il cite par la suite des citations des imams qui prouvent cette position-là. Regardez qu'est-ce qu'il dit. قال الشيخ أبو عثمان سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. Ça c'est une parole qui est de l'imam Ibn Khuzayma, que l'imam Abu Asman rapporte avec l'isnad. Il dit que j'ai entendu le Cheikh Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz, rahimahullah, qui a dit j'ai entendu l'imam Abu Al-Walid Hassan Ibn Muhammad, qui a dit j'ai entendu l'imam Abu Bakr Ibn Muhammad Ibn Khuzayma. Ça c'est Cheikh Al-Islam Ibn Khuzayma, celui qui a écrit Kitab al-Tawhid à son époque. Autour des années 300 quelque chose. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le Coran c'est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, et son témoignage n'est pas accepté. Et s'il est malade, on ne doit pas le visiter, et s'il meurt, on ne doit pas prier sur lui, et on ne doit pas l'enterrer dans le cimetière des musulmans, et on doit le demander de se repentir. S'il refuse de se repentir, il doit être exécuté. Ça c'est la parole des salaf à ce sujet-là. Ok. Après, qu'est-ce qu'il dit Abu Asman? Il continue, il dit وقال الشيخ أبو عثمان فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا إسماعيل أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان أو لأهل جيلان قال فيها إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. Le cheikh maintenant il parle à Abu Asman d'un autre aspect de cette bid'a, c'est ceux qui ont amené la bid'a de al-lafz, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prononce, qu'est-ce qu'on récite avec notre bouche avec du Coran. Il y en a qui ont, comme l'imam Abu Bakr al-Ismaili al-Jarjani, qui est un des imams des salaf, ok, il a lui aussi une aqidah qu'il a écrit, aqidah tu ashab al-hadith, ou aqidah tu a'immat al-hadith, il a une aqidah lui aussi. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce livre-là? Il dit, celui qui croit que ce qu'il prononce du Coran est créé, et qu'il veut dire par là le Coran, alors c'est comme s'il a dit que le Coran est créé. Parce qu'il y en a déjà qui disent ça. Il dit, ce que je prononce du Coran, c'est créé. D'accord? Et ça, c'est une façon que certains gens de Bid'a, parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila, ont utilisé pour essayer de répéter la même Bid'a, comme s'ils veulent dire la parole des Mu'tazila et des Jahmiyyah, mais ils avaient peur de la dire directement. C'est-à-dire, ils voulaient pas dire directement le Coran est créé, parce qu'ils savaient que sinon ils allaient se faire tout de suite démasquer. Alors, ils utilisent des termes comme lafzi bil Qur'an makhluq. Et ça, en réalité, c'est une façon indirecte de dire que le Qur'an est créé. Donc, les ulama ont considéré que ça faisait aussi partie de dire que le Qur'an était créé. Donc, il y a bien entendu la distinction, celui qui dit ma voix, moi quand je récite, ma voix, c'est créé, mais ce que je récite, c'est la parole d'Allah. Donc ça c'est important de faire la distinction à ce sujet-là, et que les gens de Bid'a, ils utilisent parfois cette expression-là de dire « lafzi bil Qur'an makhluq ». Donc ça c'est des affaires qui, des fitna qui existaient à l'époque de ces imams-là. Après le Cheikh Ibn Zakar ibn Mahdi al-Tabari, « fi kitabihi al-i'tiqad al-lazi sannafahu li ahli hadhihi al-bilad » أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر بالله وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. Donc l'imam Ibn Mahdi al-Tabari, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-I'tiqad, lui c'est pas l'imam al-Tabari qu'on connaît, qui est le Mufassir Ibn Jarir, c'est un autre qui s'appelle al-Tabari lui aussi, parce qu'il vient de la ville Tabristan. Donc on l'appelle al-Tabari à cause de ça, mais Ibn Mahdi celui-là c'était un parmi les ulama al-Kalam, ok. Puis le cheikh Abu Othman il va mentionner par la suite pourquoi il a cité sa parole, malgré que c'était quelqu'un qui était dans Ilm al-Kalam, pourquoi il a mentionné sa citation. Ok, il dit, l'imam Ibn Mahdi al-Tabari, qu'est-ce qu'il a dit dans son livre Al-I'tiqad, qu'il a écrit pour les gens de ce pays. Il a dit que le madhhab d'Ahl al-Sunnah, c'est de dire que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa révélation. Ce que Allah a fait descendre, et son commandement, et son interdiction, et que ce n'est pas créé. Et celui qui dit que c'est créé, il est kafir. Il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que le Coran, c'est qu'est-ce qui est dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on a mémorisé dans nos cœurs, et qu'est-ce qu'on récite avec, ou qu'est-ce qu'on lit avec nos langues. Tout ça, ça fait partie du Coran. Qu'est-ce qui est dans nos masahif, qu'est-ce qui existe dans nos masahif, ça aussi c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la parole que Allah a parlé. Il a parlé par cette parole-là. Il l'a prononcée, il a parlé cette parole. Et celui qui dit que ma prononciation du Coran est créée, quelque chose de ce genre, alors lui il est ignorant, égaré et kafir billah. C'est ça que le cheikh a dit. Après il dit que le cheikh الإمام أبو عثمان أدي إنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه فإنه اتبع السلف وأصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام والتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. Donc أبو عثمان الصابوني il dit j'ai uniquement mentionné cette partie en particulier du livre de l'imam Ibn Mahdi, parce que j'ai trouvé que ce qu'il a dit à ce sujet-là, c'était bon. Parce que dans ce point-là, il a suivi la aqida des salaf et des gens du hadith, dans ce qu'il a mentionné. Donc, il a aimé cette passage-là, parce qu'il a été en accord avec la aqida des salaf. Puis il dit, malgré qu'il était profondément entré dans le ilm al-kalam, c'est-à-dire, la philosophie, puis la théologie spéculative, que les soi-disant philosophes ont amené et qu'ils ont été islamisés par la suite. Donc il dit que, malgré qu'il écrivait beaucoup de livres dans Ilm al-Kalam, puis qu'il était très connu parmi les gens de Ilm al-Kalam, mais il a voulu mentionner cette citation-là de cet imam parce que c'était une de ces citations qu'il a, une des choses qu'il a dit qui était en accord avec la aqida des salaf. Maintenant, des fois les ulama ils font ça, mentionner des paroles des gens qui sont connus pour des bid'ah et qui pour ilm al-kalam, mais dans certaines de leurs citations où ils vont mentionner la aqida des salaf qui est correctement, ils le mentionnent en même temps comme un argument contre eux. On dit regardez, même parmi vos imams, parmi ceux que vous suivez, il y en a qui ont établi et cru en la même aqida que la aqida des salaf. Donc c'est pour établir la preuve contre eux. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a un livre qui s'appelle Al-Hamawiyya, aqida Al-Hamawiyya, et dans ce livre-là, il mentionne des citations de certains parmi les soufis et parmi les citations de certains de Ilm al-Kalam et d'autres. En même temps, c'est pour montrer que, regardez, ça c'est l'aqida, même eux, ces gens-là, qui sont sur toutes sortes de bid'a des fois, eh ben, ils ont même affirmé eux aussi que l'aqida des salafs, c'est d'affirmer les attributs. Et de ne pas les déformer, de ne pas déformer leur sens. Donc c'était pour montrer, cet aspect-là aussi. Après le cheikh il dit, وقال الشيخ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت أبا عثمان سعيد ابن أشكاب الساش يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن نيسابور إسحاق بن إبراهيم سي إسحاق بن راهوية يدعي عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا أن يناظر في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق الإمام أبو ابن إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم C'est un des imams parmi les plus grands imams des salafs, Ishaq ibn Rahouya. Et donc cet imam, on lui a posé la question au sujet de, quand il était à Nesabour, on lui a demandé la question au sujet de l'afd bil Qur'an, quand on prononce le Qur'an, quand on lit le Qur'an. Il a dit, on ne doit pas débattre à ce sujet-là. Le Qur'an c'est la parole d'Allah et il n'est pas créé. Parce que les salafs, ils détestaient les débats dans les questions de religion, en particulier les questions qui ont rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les genres de questions de ce genre, parce que c'est des sujets qui amènent beaucoup de déviations et d'égarements. Après le cheikh Ibn Waqal, Abu Ja'far, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, maintenant on parle de Muhammad ibn Jarir al-Tabari, celui qui est le Mufassir qui est bien connu. Il dit qu'il a dit, Waqal, رحمه الله في كتابه ذكر في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة قال أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي ولا إلا عن من في قوله الغنى والشفاء في اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الإمام الأولى أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع دونك لشيخ الزي que Mohamed ibn Jarir al-Tabari l'a mentionné dans son livre qu'il a écrit sur l'Aqida, il a un livre d'Aqida, Imam ibn Jarir al-Tabari, et il a dit que les gens qui parlent à propos des prononciations de ceux qui, quand on récite le Coran, parmi les êtres humains quand ils récitent le Coran, il dit qu'il n'y a aucune athar à ce sujet-là qu'on connaît, ni des sahaba, ni des tabi'i, excepté les paroles de ceux qu'on a, qui ont dit qui est suffisant et ce qui a amené le remède à ce sujet-là et qui ont été connus du fait qu'ils ont suivi la guidance et le droit chemin à ce sujet-là. Et en particulier l'imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, parce qu'il dit que Abba Ismail al-Tirmidhi lui a rapporté qu'il a entendu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dire à propos de Al-Lafziyya. Al-Lafziyya c'est qui? C'est ceux qui disent que, quand ils parlent, ils disent ce que je récite avec ma bouche du Coran, ça c'est créé. Mais ceux qui disent ça, c'est des Jahmiyya. Ils disent que c'est des Jahmiyya. Hein? Et après ça, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah Tawbah le verset 6, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. Ça c'est le verset dans surat At-Tawbah, le verset 6. Ça dit, et si un des mushrikins te demande la protection, ou te demande de le protéger, alors protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Puis ensuite amène-le à l'endroit où il veut aller pour qu'il soit en sécurité. Donc, c'est-à-dire que celui qui te demande la protection, tu n'as pas le droit de l'agresser ou de lui faire quoi que ce soit de mal, mais fais en sorte qu'il entende la parole d'Allah pendant qu'il est avec vous, puis après amenez-le où il veut aller. Et ça c'est la preuve que ceux qui étaient venus par exemple parmi les mouchriquins, près de, où sont les musulmans, hein, ils demandent la protection des musulmans pour qu'on ne les agresse pas. Et bien, pendant qu'ils sont là, ils entendent, par exemple, si c'est l'heure de la salat, ils entendent les musulmans qui vont réciter la, le Coran dans la prière, et ils vont entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, l'imam Ahmed, il dit, de qui ils vont l'entendre? Ils entendent la parole d'Allah récitée par les musulmans, par un être humain. Et donc, ça prouve que, même si c'est récité par quelqu'un, c'est quand même la, ça reste tout de même la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne devient pas la parole de quelqu'un d'autre parce qu'elle est récitée par un être humain. Hein, donc ça c'est le point que j'ai expliqué tout à l'heure. Et ça c'est une façon comment l'imam Ahmad a établi la preuve contre ces gens-là avec ce verset. Okay. Donc c'est comme ça que les ulama réfutaient les gens de Bida avec des preuves du Coran et de la Sunna, et ils établissaient ça en même temps avec des preuves logiques, comme on voit maintenant, c'est-à-dire qui l'a récité, excepté un musulman. Donc tu dis que ça s'est créé, alors ça veut dire que tu dis que la parole d'Allah est créée. C'est pour ça qu'il dit que c'est des Jahmiyyah, hein. C'est les Jahmiyyah qui disent ça. Après le cheikh dit, « وَقَالَ ثُمَّ سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا لَا أَحْفَظُ أَسْمَاءَهُمْ يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. Donc le cheikh il dit, j'ai entendu un groupe parmi les savants, que je ne mémorise pas tous leurs noms, mais ils disaient, hein, car Allah soit satisfait d'eux, ils disaient que celui qui dit ce que je dis du Coran est créé, alors c'est un jahmi. Il disait, et ce que je dis du Coran n'est pas créé, celui qui dit ce que je dis du Coran n'est pas créé, alors c'est un mubtadi'. Hein? Et le cheikh, il explique ça, qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, قال محمد بن جرير, ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قول غير قوله. إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية المقنع وهو الإمام المتبع رحمه الله ورحمة الله عليه ورضوانه عليه. Donc le cheikh l'imam ibn Jarir al-Tabari il dit, il n'y a pas de, il dit, il n'y a pas de parole qui est permis, qui est permise à dire à ce sujet-là, autre que la parole de cet imam. Et comme il dit, on ne veut pas dire quoi que ce soit dans ce sujet-là, excepté qu'il y a un imam avant nous qui l'a dit. Parce que les salafs c'était comme ça. Ils ne voulaient jamais parler à propos de la aqida ou de la religion ou de din, et dire quelque chose à propos de la aqida, excepté qu'un imam avant eux l'avait dit. Et donc il dit, cet imam-là, c'est l'imam Ahmad, il a été agréé, hein, et il a amené une preuve qui est suffisante et convaincante, et c'est l'imam, hein, qu'on suit à ce sujet-là, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Parce que c'est lui qui a réfuté les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les autres. Quand il a été torturé et fouetté et tout, à chaque fois il le passait à l'épreuve et ils essayaient de lui jeter des questions pièges pour essayer de le faire tomber dans la bid'a, mais à chaque fois il les réfutait par des preuves. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il les réfutait à chaque fois par des preuves du Coran et de la Sunna. Le cheikh il dit, وهذه الفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. Il dit, ça c'est les paroles de Muhammad ibn Jarir que j'ai ramené directement de son livre Al-I'tiqad qu'il a écrit lui-même. Il dit ensuite, Qultu, ça c'est Abu Uthman Sabuni, il dit, Qultu, Huwa a'ni Muhammad ibn Jarir, rahimahullah, qad nafa an nafsihi bihada al-fasl alladhi zakarahu fi kitabih كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه وفي هذا القول ذي اللبس لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. Donc ici là dans ce passage là Abu Athman il dit que Muhammad ibn Jarir rahimahullah il a nié à son sujet dans ce passage là ce qui a été mentionné que ce qui a été mentionné ou qui a été attribué à cet imam parce que il y a certaines personnes qui ont essayé de l'accuser de qu'il avait par exemple quitté certaines qu'il avait quitté la sunna sur certains points. Et donc, en citant ce passage-là, c'est comme si pour montrer qu'il est innocent de tout ce qu'on l'a, de tout ce que certaines personnes auraient pu essayer de lui attribuer, de bid'a ou du fait qu'il serait sorti de la sunna pour suivre une bid'a quelconque. Et donc, le cheikh il dit que ce que l'imam Ahmad a mentionné, ou ce que l'imam Ibn Jarir a mentionné au sujet de l'imam Ahmad, du fait que les lafziya, ou ceux qui parlent de leur parole, leur lecture du Coran, et qu'ils disent qu'elle est créée, que c'est des jahmiya, ils disent ça c'est vrai, que l'imam Ahmed a dit une chose pareille, que ce sont des jahmiya. Et il dit que la raison pourquoi il a dit que ce sont des jahmiya, c'est parce que jahm, et ceux qui ont suivi jahm ibn Safwan, ils ont dit ça ouvertement et directement. Ils ont dit, le Coran est créé, direct, clair. Il n'y avait pas de shubha, yani. Ils ont dit ça directement, donc c'était clair pour les gens, ils savaient que c'était une parole d'égarement et de déviation, et de coffre. Toutefois, ceux qui ont dit, ma récitation du Coran, ou ma lecture du Coran est créée, ben ceux-là, ils ont essayé de, disons, de passer par une façon indirecte pour nier, ou bien pour dire que le Coran est créé. Parce qu'ils ont eu peur de Ahl Sunna à ce moment-là, à cette époque-là, Ahl Sunna était devenu plus puissant, ils étaient plus forts, ils avaient plus de force, et donc ils ont eu peur de se faire associer à Jahm ibn Safwan. Donc ils ont utilisé cette méthode de ruse pour essayer de cacher leur vraie position et d'amener cette parole de Bid'a, de Al-Nazviya, comme ils l'appellent. Et donc ça c'est comme le cheikh il dit que ils sont en réalité comme des shayatins humains auxquels on révèle des paroles enjolivées ou qui se révèlent les uns les autres ou qui se... Donc ils s'envoient les uns les autres des paroles enjolivées pour tromper les gens. Hein? Donc ils ont essayé de tromper les gens en disant cette parole de que leur récitation est créée et tout ça. Alors qu'en réalité ils voulaient dire que le Coran est créé. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed les a appelés Jahmiya, et même on a rapporté que l'imam Ahmed a dit aussi qu'ils sont pires que les Jahmiya. Donc c'est pour te dire que parfois même ils sont pires que les Jahmiya. Il dit Amma ma hakahu Muhammad ibn Jarir an Ahmed, anna man qala bil lafzi bil Qur'an ghayr makhluq fa huwa mubtadi', fa innama arada bihi anna as-salaf as-salihin min ahli as-sunnah lam yatakallamu fi bab al-lafz wa lam يحوجه ولم يحوجهم الحال إليه وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وزميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام فقال الإمام أحمد هذا القول في نفسه بدعة ومن حق المتدين أن يدعه وكل بدعة مبتدع وكل بدعة مبتدعة ولا يفوته به ولا بمثله من البدع المبتدعة ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة الذين المتبعة أن القرآن كلام الله المخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. Donc le cheikh il dit que par la suite l'imam, qu'est-ce qui a été rapporté par Muhammad ibn Jarir al-Tabari, que l'imam Ahmad a dit من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. Celui qui dit que ce que je récite du Coran c'est ce n'est pas créé, celui qui dit ça c'est un innovateur, il dit que ça, il veut dire que les salafs, les gens de Ahl Sunna wal Jama'a n'ont jamais dit ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais amené ces idées-là. C'est-à-dire de parler à propos de Al-Lafd, c'est-à-dire de qu'est-ce que tu prononces. Les gens de Ahl Sunna n'ont jamais dit ça. Comme par exemple que celui qui dit ma parole que je récite dans le Coran, quand je récite le Coran, ma prononciation du Coran n'est pas créée. Celui qui amène ces affaires-là, c'est un Mubtadi'. Il dit parce que les salafs n'ont pas dit ça. Et ceux qui ont amené cette parole-là, c'est des gens qui ont voulu essayer de rentrer trop dans les détails, hein. Et en fait, c'est des gens bêtes en réalité, qui ont ramené ces détails-là, qui ont essayé de chercher dans les coins, disons. Mais, à la base, on a été interdit de chercher et de rentrer dans ces formes d'égarement-là, dans des formes de différentes paroles de gens de Bédah qui rentrent dans, qui cherchent dans les petits détails de cette façon. Et donc, les salafs ne sont jamais rentrés dans ces questions-là, ni les ulama de l'islam, parmi les salafs. Et l'imam Ahmad lui-même a dit que c'est une Bédah. Et donc, celui qui est vraiment sur la religion et qui veut suivre comme il faut la religion, il va abandonner cette parole qui est une innovation et une bid'a, hein, et il ne va pas prononcer une chose pareille ou quelque chose de semblable à cette bid'a-là, et il va se limiter à ce que les salafs et les imams des salafs ont rapporté et suivre ce qui est rapporté de leur part, que le Coran c'est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé, et il n'ajoute rien à ça. Et celui qui rajoute à ça, donc le cheikh il dit, c'est une bid'a, ou bien c'est même kufr, selon celui qui dit, si il dit que le Coran est créé, ça c'est kufr. Le cheikh il dit, après, pour terminer ce chapitre, وقال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التاريخ الذي جمعه لنيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي الجراحي بمرو حدثنا يحيى ساسوي عن أبيه عبد الكريم اليشكري وقال وهب ابن زمعة أخبرني علي الباساني وقال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر يعني بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. Donc le cheikh il dit que l'imam, ça a été rapporté par Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz dans son livre Al-Tarikh qu'il a écrit pour les gens de Neysabour et les ulama de Neysabour, lorsqu'il a parlé, il a mentionné les paroles de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un des imams parmi les imams des hadiths. On l'appelait Amir al-Mu'minin fil hadith à son époque. Hein? Il était un contemporain de l'imam Malik et de l'imam al-Awza'i et al-Layth ibn Sa'ad. Donc c'est un parmi les imams des salaf. Et qu'est-ce qu'il disait cet imam Abdullah ibn al-Mubarak? Il dit que celui qui rejette une seule lettre parmi les lettres du Coran, il est kafir, il a mécru au Coran. Et celui qui ne croit pas en ça, il est kafir. Subhanallah. Donc ça c'est les paroles de cet imam à ce sujet-là. D'accord? Donc, on a 7-40 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête? Bien, on continue. Parce que là, on rentre dans un autre sujet par la suite. C'est comme si vous voulez prendre une petite pause. D'accord, inshallah. Donc on va s'arrêter tout de suite. Subhanallah, wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه. Quand il y a une question, si une personne me parle et que je lui parle de l'islam et qu'il me dit que le Coran est créé, et par quelle preuve je peux lui montrer que le Coran est la parole d'Allah et non créé par la main de l'homme. Bon. Comment peut-on reconnaître un salafi d'un autre ou autre? Non. Ça, c'est d'autres questions. On va pas répondre à ces questions-là maintenant. La question de comment on peut reconnaître un salafi de notre groupe, on va laisser ça pour demain, Inch'Allah. Puis, en ce qui concerne la personne que tu veux lui parler de l'islam, ben, il faut lui prouver que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs façons de lui prouver que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première façon, c'est premièrement qu'il devrait le lire pour essayer de voir que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de façons de le reconnaître aussi. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans le Coran des signes. Hein. Il a mis des signes et des preuves pour les gens qui réfléchissent. Hein. Et il a mentionné dans le Coran toutes sortes de choses qui montrent en réalité que ce Coran ne peut pas être écrit par un être humain. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Donc ça c'est un exemple. Il y a beaucoup de versets comme ça dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a mis au défi l'humanité de montrer que ce Coran, s'ils sont capables d'amener un verset pareil ou une sourate pareille. Ou dans un autre verset, ça dit 10 versets pareils. Et les Arabes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'était des maîtres dans la langue, et des maîtres dans la poésie, et des maîtres dans tout l'éloquence et tout, al-balagh et tout, ils n'ont jamais été capables d'amener un verset pareil. Bon. C'était un défi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit, même dans un verset, il leur a dit, amenez qui vous voulez. Hein, mais tout ce que vous pouvez amener pour vous aider, pour essayer de composer quelque chose comme ce Coran, vous n'allez jamais être capable. Hein. Il dit, la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ils ne vont rien être capables d'amener de semblable, même s'ils étaient en train d'essayer de se donner de l'aide les uns les autres pour essayer d'amener quelque chose de pareil. Donc ça c'est déjà un miracle, et c'est pour ça que le Coran c'est le miracle qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il y a d'autres prophètes, avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on leur a donné des miracles, différents miracles, comme Isa alayhi wa sallam, il pouvait faire, par exemple, Allah lui a donné des miracles, comme par exemple, il a fait voir des aveugles, il a fait par exemple, yani marcher des gens qui étaient malades, ou des trucs comme ça, bon, et des lépreux, il les a guéris. Des choses comme ça, ça c'est des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ce prophète. Moussa alayhi salam, il lui a fait fendre la mer, et il lui a permis de traverser la mer, hein, sans que ses pieds se mouillent, lui et son peuple. Il a fait couler de l'eau du rocher pour que son peuple puisse boire. Il a fait beaucoup de miracles de ce genre. D'accord? Mais tout ça c'est des miracles que seulement les gens de ces époques-là pouvaient être témoins. C'est-à-dire les gens qui viennent après, on peut pas les voir ces miracles-là. Toutefois, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un miracle qui est là avec nous et qu'on ne peut pas, c'est-à-dire ce miracle-là qu'il a laissé avec nous, yani on peut tous en être témoins. Hein. Et le défi, il tient encore pour les mouchriquins s'ils veulent essayer d'amener quelque chose comme le Coran. Et non seulement ça aussi, c'est que dans le Coran, il y a aussi des choses qui ont été révélées qui montrent que ça ne pouvait pas être un être humain qui l'a écrit. Hein. Il y a beaucoup de choses même que on découvre encore aujourd'hui, des choses que certains par exemple découvrent aujourd'hui, et que c'était déjà écrit dans le Coran. Donc comment on pouvait dire que c'était un être humain qui l'a écrit, et que c'était ces choses-là qui étaient dedans. Non seulement ça aussi, c'est qu'on voit que dans ce livre, il y a la correction de beaucoup d'erreurs qui étaient dans les livres des gens du livre auparavant. Comment un être humain, s'il écrit de lui-même, il peut arriver à connaître les erreurs qui existent dans les autres livres et écrire un livre et corriger toutes ces erreurs-là de lui-même. C'est impossible. D'accord? Quelqu'un ne peut pas amener une religion parfaite de lui-même. Il faut que ce soit une révélation qui lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a ça, il y a beaucoup d'autres signes aussi de points pour faire réfléchir les personnes qui cherchent à connaître. Le fait qu'il était illettré, qu'il ne savait ni lire ni écrire, et beaucoup d'autres points aussi de ce genre. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis espérons que c'est suffisant comme réponse. Mais quand tu vas parler avec un non-musulman, tu veux lui parler de l'islam, ben il faut commencer aussi par les priorités, yani les bases, le tawhid et tout ça. Puis après, s'il comprend ça, par la suite, il va comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre des révélations et des livres et des prophètes, et que parmi ces révélations-là, il y a le Coran. Et donc, quand il va le lire, il va voir que ça ne peut pas venir d'autre que d'Allah. En tout cas, moi personnellement, je peux dire que quand je l'ai lu le Coran, j'ai lu le premier Sourate al-Baqarah, le premier verset, et puis j'ai dit ça, c'est la parole d'Allah. Non. Donc, Allah yahdi man yasha' ila sirat al-mustaqim. Walhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.